baseball. Là. Habituellement, quand je parle de baseball, je parle avec Jacques Doucet, Marc Griffin ou Bruno Boudreau. Mais là, on va parler de baseball régional et de baseball local. Évidemment, c'est la période hivernale, mais ça ne veut pas dire que ça ne brasse pas dans le monde du baseball. Et on est en train de préparer la prochaine année. On va parler avec Éric Bégin, le nouveau président de baseball Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, Bruno. Salut, Éric. Bonjour. Éric, d'abord, si on y allait avec une nouvelle... t'es le nouveau président depuis très, très peu de temps, là. Exactement. Éric Dion, qui était l'ancien président, a remis sa démission. Après ça, Baseball Québec m'a appelé, m'a offert le poste. La première fois, j'ai refusé parce que j'avais d'autres objectifs. La deuxième fois, il est revenu. On a remis quelques conditions sur la table. Puis j'ai accepté là, le poste là, de prendre la relève d'Éric Dion pour une saison. Après ça, on va voir là, c'est quoi ça implique comme travail. Puis comme job okay. aussi. Donc, ça a été fait un petit peu de façon... Éric a remis ça sans mal parler. Il y avait quelques anomalies, quoi, qui a fait en sorte qu'on a décidé un genre de tutelle. On n'aime pas le mot tutelle, mais ça ressemble un petit peu à ça aussi. Là. Donc, que Baseball Québec a décidé d'y aller avec un contrôle plus serré et te permettre d'être le nouveau président. Exactement. Puis, étant donné aussi que je vais tomber comme un président sans expérience... Ouais. Fait que c'est ça, Baseball Québec va avoir une gestion, va avoir un œil un peu plus aguerri sur les finances, sur nos décisions, quoi que ce soit. Mais il faut comprendre aussi que le CA va être plus élargi. L'année passée, on avait un CA d'environ, je pense, on était 4 à 5 personnes. Là, je pense qu'on va être 7, puis on parle peut-être de se rajouter une 8e personne pour pouvoir être un CA plus élargi. On ramène les présidents d'association dans le CA. Fait que Baseball Québec, oui, va avoir... peut-être un œil un petit peu plus sur la région, mais le CA va être de plein pouvoir décisionnel au niveau de ses décisions. Okay. Ça veut donc dire que là, vous passez de 4 à 7 personnes dans le CA? Comment ça fonctionne? Exactement. C'est que là, on a rentré chaque président d'association, sauf un, celui de Chicoutimi, qu'on n'a pas été capable de rentrer en contact, qu'on n'a pas eu de réponse. Pour ça, je te dis que peut-être qu'il va se rajouter une autre personne. Puis, on est aussi à Jonquière, à l'OBMJ. Là, il va y avoir un changement à la présidence. Fait que là, on attend aussi. Mais on a trois membres de l'an passé qui sont de retour. Puis, on a inclus Nicolas de l'Association d'Alma. Okay. Puis, on a inclus aussi Jean-Luc Boudreau de l'Association de Chicoutimi. Okay. C'est-tu juste Alma, c'est-tu juste Chicoutimi, Jonquière ou le Haut-du-Lac va être représenté aussi dans cette nouvelle structure de Baseball Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, présentement, on a deux représentants de Chicoutimi, de Jonquière, Saint-Honoré, okay. La Tarrière, Alma. Présentement, le Haut-du-Lac n'a pas de structure établie, à part Alma, là, de toute façon. Les gens du Haut-du-Lac qui désirent jouer, bon, s'ils veulent rentrer Baseball Québec, doivent passer par l'association d'Alma. Sauf qu'on a eu peut-être un début de pourparlers, à savoir, est-ce qu'on pourrait décoller quelque chose dans le haut du lac? Ah oui, OK. Oui. Qui pourrait être quoi? Atome, puis oui, ça pourrait être quoi? Bien, tout dépendant de la masse de joueurs, puis des catégories d'âge, bien, les discussions qu'on a eues, les renseignements que les personnes ont pris, on parle peut-être d'une équipe moustique, une équipe Atome, là, peut-être, qui pourrait joindre, mais c'est vraiment embryonnaire, okay. là. Je n'ai pas parlé encore aux responsables. Là, j'attends de discuter avec M. Steve Duchesneau de Baseball Québec, qui est supposé descendre dans deux semaines pour rencontrer le CA, la nouvelle structure. Puis à ce moment-là, on va discuter aussi de ce projet-là. Si on parlait maintenant des voyageurs de Jonquière, Robert Fatal a fait un travail colossal avec les voyageurs de Jonquière. Il a intégré le baseball dans le sport-études. Et on a vu les premiers résultats. On a vu des résultats vraiment frappants. Les voyageurs sont allés beaucoup mieux. Ils ont même été en demi-finale de la Ligue de baseball de l'Île du Québec. Est-ce que vous avez travaillé concert avec les voyageurs? C'est sûr que oui. Moi, je connais la nouvelle présidente, Audrey Tremblay. Je connais Guy Hébert. Le but de la région est justement de se rapprocher. Et je te dirais, pour avoir discuté avec les voyageurs, de travailler un petit peu plus avec la région et le baseball mineur. Parce que le but à long terme, c'est oui, on a mis les voyageurs sur la map, on a remis un beau stade, mais on voudrait avoir des joueurs de la région un petit peu plus, une équipe régionale. Fait que pour ça, ça passe par notre base de joueurs qui est régionale. Pour réussir, là, on a un Bantam 2A, on a un Midget 3A, on a du sport études un peu partout. Ben, tu sais, si à long terme, nous, en région, il faut recommencer à faire du A puis du B, qu'on appelait avant du maison puis du régional, ben on va regarder les possibilités aussi. OK. Donc, est-ce que du côté maintenant des nouvelles idées, est-ce que j'imagine que le nouveau président a des nouvelles idées pour faire avancer le baseball en région? Oui, moi j'ai des idées, mais c'est comme je disais, on va en discuter avec notre nouveau CA. Par contre, comme je te disais, là, présentement, la manière que la structure fonctionne, tu t'inscris, peu importe ton calibre, c'est l'âge qui décide. Fait que tout le monde est ensemble, on divise égal, tout le monde joue un contre l'autre. Moi, je pense qu'on est peut-être rendu au moins à essayer dans une catégorie à dire on fait du A, on fait du B, pour peut-être que ceux qui ont, je dirais pas qu'un petit peu plus de difficultés, mais ceux qu'ils commencent ou que c'est moins facile puissent progresser ensemble, et ceux justement qui ont des années, qui jouent puis qui ont une habileté peut-être différente puissent aussi progresser ensemble. Okay. On va peut-être regarder ces options-là. On a discuté aussi avec les voyageurs, bon, d'un projet que je peux pas trop parler de suite, j'attends, parce que c'est encore en termes de discussion, mais tout ça dans le but d'améliorer un petit peu nos... être plus compétitifs un peu. Oui, OK. Est-ce que, j'imagine que c'est quoi? C'est peut-être, quand vous parlez d'affiliation avec les voyageurs ont une équipe midget 3A, une équipe également junior, est-ce que ça serait en fait peut-être la région, la Fédération de baseball du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait former des équipes plus basses pour les emmener éventuellement dans le midget puis dans le junior? Oui, exactement. Puis tu sais, oui, exactement. Puis on a un bantam de haut. On regarde aussi, bon, mais on est-tu capable peut-être de se former? Puis là, c'est des discussions. Une équipe, puis oui, puis aller faire la fin de semaine, aller jouer des games, tu sais, pour... Mais tout ça passe, par contre, sur la formation de nos entraîneurs. Moi, mon gros point que je veux emmener puis je veux travailler au niveau de la région, c'est la formation des entraîneurs. Okay. C'est pour ça que je te disais aussi que si on fait du A puis du B, ben il y a une crainte. Il y a une crainte, c'est lorsqu'on va faire du B, bon, mais c'est on veut plus se retrouver comme il y a 10 ans ou 15 ans avec des entraîneurs en jeans, pas formés. Tu sais, on veut garder notre structure qui est belle, mais par contre, on va pouvoir former ces gens-là. Est-ce que les inscriptions, vous sentez vraiment que les inscriptions sont nettement à la hausse? On dit qu'au Québec, Baseball Québec enregistre des hausses assez intéressantes. Évidemment, la présence des Blue Jays l'an dernier. Également, le fait qu'on parle de plus en plus du retour des expos. Est-ce que vous sentez vraiment que dans la région, on a senti également une hausse? Bien, présentement, oui, parce que si on regarde le bassin de population qu'on a, au niveau, ce qu'on appelait avant le T-ball, qui est le Rallye Cap, la tombe et le moustique. Okay. Dans le moustique, l'année passée, 13 équipes régionales. Dans la tombe, on avait 12, c'est-tu 14? Je pense qu'on avait 14 équipes. La masse de joueurs qui est en train de monter présentement, mais est énorme. Un, il faut la garder. Il faut aller en chercher d'autres aussi. Fait que, tu sais, oui, nos inscriptions sont à la hausse, puis c'est très bénéfique. Par contre, ben, on veut pas qu'il arrive un petit peu la même affaire qui est arrivée au soccer. On veut garder notre monde. Pour ça, ben, il faut être structuré, puis il faut être professionnel. Okay. C'est quoi par rapport aux belles années des expos? C'est sûr que là, il y a le taux de démographique qu'il faut prendre en considération. Mais par rapport aux expos dans le temps, c'était quoi? Les belles années du sport, ben, du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là? Ben, si je regarde, quand j'ai commencé à coacher, là, environ 25 ans, on avait, juste à Jonquière, on avait trois équipes régionales, puis on avait peut-être 6 équipes maison. Chicoutimi était pareil. Fait qu'on était, avant, on était peut-être le double. OK. Oui. Là, c'est plus difficile aussi, là, dans les dernières années, au niveau bantam, au niveau midget, au niveau junior régional. Okay. Fait que là, mais cette masse de joueurs-là qui va monter, notre défi, c'est de la garder pour réussir, oui, à alimenter un bantam de A, mais à garder aussi notre bantam A régional. Parce que on a comme une pyramide à l'envers dans la région. On a les voyageurs en santé, on a un midget 3A, notre bantam de A, mais c'est important d'avoir aussi un bantam A qui va alimenter ces équipes-là. Ben, Éric Bégin, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, c'est un beau défi, sauf que je pense que le baseball va en montant. Et si on annoncerait une nouvelle à Montréal dans les 3-5, disons de 3-5 prochaines années, il y aurait des inscriptions à la hausse nettement. Si on annonce le retour des expos, ben, certainement que ça va monter et ça va avoir une répercussion sur les inscriptions au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis convaincu que oui. Donc, Éric Bégin, le nouveau coordonnateur de Baseball Québec, Saint-Hyacinthe.